Belgique s'apprête à recevoir la coupe des vainqueurs à Mexico. Tout le monde a confiance et garde l'espérance de voir les Diables Rouges s'embrasser sous les bravos. Ils ont du courage et de la volonté, et c'est pour ça qu'ils vont gagner. Nous allons tous ensemble à Mexico. Nous allons tous ensemble à Mexico. L'équipe qui chauffe et qui bouge, c'est celle des Diables Rouges. Nous allons tous ensemble à Mexico. Puis la gloire nous attend à Mexico. La victoire nous attend à Mexico. Car elle appartient au plus fort. C'est vraiment la loi du sport. La victoire nous attend à Mexico. Et face à l'adversaire, il trouve la manière, adoptant la tactique qui les conduit au succès. Les Diables sont sans doute les plus grands rois du foot, bravant les coups du sort, ne se décourageant jamais. À Mexico, ils ont un rendez-vous, alors chantez tous avec nous. Nous allons tous ensemble à Mexico. Nous allons tous ensemble à Mexico. Et nos supporters ont raison, nous reviendrons nos champions. Nous allons tous ensemble à Mexico. Nous allons tous ensemble à Mexico. Nous allons tous ensemble à Mexico. Oui, applaudissons les vainqueurs et nous chantons tous en cœur. Nous allons tous ensemble à Mexico. Supporters ont raison, nous reviendrons en champion, nous allons tous ensemble à Mexico.